Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pour autant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Pour autant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour Christophe. Bonjour à tous et bonjour Hubert. Un nombre incalculable d'accordéonistes vont se retrouver sur cette émission. Mais en tout cas, eh bien, que du plaisir. Et oui, et ce plaisir, on va le partager avec vous, messieurs, dames. Dans la famille Verschuren, je voudrais le fils. Nous, André Verschuren Junior. Eh bien non, je veux l'autre. Ah, Harry William. Harry William, évidemment. Très célèbre pour les studios d'enregistrement. Il est également accordéoniste. Il n'a pas vraiment la même carrière que son papa. Pas facile en même temps d'avoir une carrière comme son papa. Mais on va tout de suite l'écouter dans les années guinguettes, une très belle valse. Bonjour à tous. Bonjour Hubert. Bonjour Arlette. On décolle ? Cette fois, c'est en Polynésie française que nous atterrissons. Ah oui. Située dans le sud de l'océan Pacifique, la Polynésie française fait partie de nos territoires d'outre-mer, couvrant une superficie d'environ 4200 km². C'est précis. Équivalent à celle de l'Europe. Quand même. Alors, pour nous reposer un peu, je vous propose un bien joli boléro chanté par Tino Rossi en 1956, Le bateau de Tahiti. On y est. Ah, ça fait du bien. Quand le bateau arrivera à Tahiti, tu salueras les parents, les amis. Tu leur diras que dans mon cœur j'ai bien gardé tout le bonheur que jour ils m'ont donné. Quand le bateau se rangera le long du quai, tu les verras, ils auront des bouquets. Enverra ses fleurs fanées pour me consoler, et tu diras merci aux gens de Tahiti. Où sont les étangs bleus, les douces collines, les palmiers fleuris, les palétuviers? Où sont les chants joyeux, les danses câlines et le chaud soleil de mon pays? Quand le bateau arrivera à Tahiti, tu salueras les parents, les amis. Tu m'enverras tous leurs bouquets pour me consoler, et tu diras merci aux gens de Tahiti. Retour m'apportera un parfum d'amour, amour de mon pays, amour de Tahiti. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Sorgia FM. Allez, cette fois, on va danser le Kuduro grâce à Phil Bouvier. Ça s'appelle El Kuduro Fiesta. J'ai le plaisir de chanter avec Phil. Qu'est-ce qu'il est bon, ce garçon. C'est un champion du monde, c'est peut-être pour ça. Eh oui. Sera la fiesta. Danse le Kuduro, oui, danse. Suis la cadence, la son du projecteur, ça balance. Danse le Kuduro, oui, danse. C'est l'évidence, il est là le bonheur quand on danse. Danse le Kuduro, oui, danse. C'est ça qui nous rassemble, c'est là qu'on se ressemble. Tempo qui nous soulève et qui nous fait bouger sous le même pas. Oui, c'est ça, Kuduro Fiesta. Sorgia FM. Sorgia FM. C'est en duo que nous allons vous interpréter maintenant avec Arlette, les deux générations. On pourrait dire les trois avec Christophe. Pendant bien des années, nous devenions rétro. Et tu es arrivé avec un beau cadeau. Ta musique magique m'a donné l'illusion que pour un court instant renaissaient nos chansons. C'était si bon. Quand tu m'as fredonné ce petit air d'autrefois, j'ai tout de suite deviné que je jouerais pour toi. Qu'importe les années, on se fiche des apparences. Tu apprends mes refrains et je chante tes romances. Quelle importance. Je te donne mes chansons. Je te donne mes flonflons. Des petits frissons pour deux générations. Je te donne mes chansons. Je te donne mes flonflons. Nos deux générations pour chanter des chansons. Et les mois ont passé, des milliers de quatrains ont bercé mes journées. Ils en ont vu la fin. Et même si, paraît-il, mes cheveux ont blanchi, ça ne m'empêche pas d'aimer les chansons d'aujourd'hui. Je les chante aussi. La musique a changé comme tout change dans la vie. On n'arrête pas le progrès, c'est toujours ce que l'on dit. On change toutes les paroles, on change les instruments. Mais on ne change pas nos cœurs, c'est toujours le printemps qui est dedans. Oui, je te donne mes chansons. Je te donne mes flonflons. Des petits frissons pour deux générations. Je te donne mes chansons. Je te donne mes flonflons. Nos deux générations pour chanter des chansons. On chante pour le plaisir, on chante pour les copains. On fredonne des rengaines qui baladent notre entrain. Elles dessinent dans nos cœurs un merveilleux jardin, tout fleuri de bonheur et bercé de refrains. On laisse bien. Je te donne mes chansons. Je te donne mes flonflons. Des petits frissons pour deux générations. Je te donne mes chansons. Je te donne mes flonflons. Nos deux générations pour chanter les chansons. Et c'est si bon. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Bourvil, lui, avec sa tendresse habituelle, nous chante son bel amour, à sa façon bien sûr. Salade de fruits, c'est une béguine douce et chaloupée, un vrai bonheur, salade de fruits. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom. Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus.

c'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Arlette. Maintenant que nous avons repris notre souffle, retournons sur cette plage de rêve. Oui. Et laissons-nous envahir par ces musiques tahitiennes avec le trio Kiki Riri. Fifi et Loulou. Et ces cocotiers penchés sur le sable doré, oui, baignés d'une eau turquoise et chaude. Allons-y. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Mesdames, messieurs, sachez qu'avec Christophe, on fait de la musique ensemble et il nous arrive même de faire des CD. C'est le cas avec le titre qui va arriver maintenant. Qui parle d'un village où tu habites, Saint-Jean-de-Sixte. Eh oui, j'habite à Saint-Jean-de-Sixte. Et ce morceau s'appelle « J'aime Saint-Jean-de-Sixte ». Valseur, valseuse en piste. J'aime Saint-Jean et je profite à chaque instant de la montagne, belle compagne, et l'on entend le chant, les rires de ses enfants, cœur éclatant pour le bonheur de Saint-Jean. Joli village, au milieu de visages, bouquet changeant au gré du temps. Les fleurs sauvages, fierté de nos alpages, se feront belles encore longtemps pour toi Saint-Jean. J'aime Saint-Jean et je vais encore très souvent me balader sur ses sentiers, et je ressens ce petit air si tonifiant. Saint-Jean la bise, tu peux garder ta devise. Oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu d'autres vallées, je n'ai pu oublier. Tout est si doux à Forgesou et si joli à Coringy. Tout est si gai au Villaret et si charmant au Mont-Durand. Une escapade vers les Lombardes, vers le Suez ou le Danais, tout me paraît tellement joli que j'en oublie, que j'en oublie. J'aime Saint-Jean et l'esprit de ses habitants, de philosophes, de bons vivants. Et l'on prétend qu'ici la vie prend bien son temps, que le bonheur y a semé quelques fleurs. Oui, j'ai bien vécu ma vie, croisé des tas d'amis. Je reviens au pays. Si l'on flirtait en haut du Crêt, ou qu'on se voit dans le bois de la Kia, ce serait super dans le bois de l'Anvers, mais moins ringard vers les Sommards. On se chatouille au col des Mouilles, c'est du sérieux dans le chef-lieu. Un petit bisou là dans le cou, au bord du Nom, ce serait si bon. J'aime Saint-Jean et je profite à chaque instant de la montagne, belle compagne, et l'on entend le chant, les rires de ses enfants, cœur éclatant pour le bonheur de Saint-Jean. C'est maintenant sur Sorgière FM, Hubert Ledan. Et on danse le tcha-tcha des Aravis. Lancez maintenant sur Sorgière FM, Hubert Ledent. Il est temps de rendre hommage maintenant à ce grand monsieur de la chanson française qu'est Charles Aznavour, avec de belles chansons, de belles musiques aussi, des mélodies inoubliables et des textes eux aussi merveilleux. On commence tout d'abord avec une interprétation de Bernard Marly et d'Athos Bassissi, Que c'est triste Venise. Vous allez le découvrir, Charles Aznavour a écrit énormément de titres, dont ce titre, maintenant vous allez reconnaître, qu'il a écrit pour Johnny, et puis juste après une chanson qu'il a écrite pour Sylvie Vartan. Vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Je n'en dis pas plus, je me tais, on écoute Charles Aznavour. Retiens. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi. Elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini. Ne me demande pas, tu ne comprendrais pas.